L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Première édition des Journées des Savoir-Faire les 14 et 15 octobre sur le bassin de Pompey. Visite ateliers, démonstrations, dégustation de produits locaux, ateliers et pratiques artistiques au programme. Denis Bergerot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge du développement économique et filière courte pour le bassin de Pompey. C'est donc une première édition que ces Journées des Savoir-Faire. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette première édition? Donc cette première édition des Savoir-Faire sur le bassin de Pompey, donc c'est dans le cadre de la compétence tourisme du bassin de Pompey, dont je suis également le vice-président. Si vous voulez, nous organisons déjà depuis plusieurs années les Journées du patrimoine, et il nous a semblé important pour valoriser un peu le travail des artisans d'art et des producteurs locaux, de créer justement cette journée, ce week-end, des savoir-faire sur le territoire du bassin de Pompey, les 14 et 15 octobre. Le but de ces deux journées, c'est de valoriser le travail de producteurs locaux qui sont nombreux sur le territoire, et donc d'artisans d'art qui sont installés sur l'ensemble du bassin de Pompey, sur les communes du bassin de Pompey. Le principe, c'est que nous avons édité un petit dépliant qui est disponible dans les offices de tourisme, qui sera distribué dans les boîtes aux lettres de tous les habitants du territoire, qui sera dans les offices de tourisme Pont-à-Bousson, Nancy, donc des environs. Et donc sur ce petit dépliant, il y a une carte qui identifie bien les lieux où des artisans producteurs locaux ouvrent leurs portes, qui permet donc aux personnes qui le souhaitent, qu'ils habitent ou non le territoire, bien de pouvoir se déplacer facilement aux divers endroits et surtout de pouvoir se faire leur propre programme, un petit peu comme dans les Journées du patrimoine d'ailleurs. Donc on va avoir de l'ébénisterie, on va avoir du travail de cuir, on va avoir bien sûr aussi un atelier du tapissier sur votre commune, à Millery. Voilà, donc effectivement, il y a donc un atelier de tapisserie de Madeleine M qui est installé à Millery depuis le mois de novembre de l'année dernière, donc depuis presque un an. Elle fait tout travaux de tapisserie, donc tapisserie de siège, fauteuil, mais elle a une particularité, c'est qu'elle restaure également des prie-dieux, et elle a donc une très belle collection de prie-dieux tous aussi différents les uns des autres qu'elle a restauré, mais elle effectue effectivement toutes sortes de travaux de tapisserie. Donc ça, ce sera visible tout au long de ces deux journées à partir de 10h. Ces deux journées arrivent aussi en conclusion de la semaine du goût. Oui, les personnes vont pouvoir visiter la boulangerie bio donc de Les Saint-Christophe, la brasserie de la Chaouette à Cézeray, la chèvrerie des Quatre Vents à Cézeray, les produits donc de volaille de Sylvie Tatton, donc à Cézeray également, des jus de fruits également à Cézeray. Donc vous voyez tout un ensemble de productions, producteurs locaux tous différents les uns des autres qui travaillent dans des domaines différents et qui se complètent tous très bien. Quelles sont vos attentes aussi par rapport à ces journées? Le souhait du bassin de Pompey, donc le bassin de Pompey l'a déjà fait à travers sa cuisine centrale, puisque la cuisine centrale qui est lancée donc depuis le 1er janvier 2017 s'approvisionne à hauteur de maintenant presque 27% auprès de producteurs locaux, dans un rayon de 40-50 kilomètres, et donc de nombreux producteurs locaux du territoire. Le but, c'est de faire connaître au niveau des habitants du territoire et des territoires extérieurs qu'il y a également des activités telles que des productions locales, donc sur des produits très particuliers, des métiers d'art, et surtout que chacun peut aller, soit s'approvisionner pour tout ce qui se mange, ou bien refaire des sièges, ou refaire d'autres, de la poterie, enfin vous voyez, du vitrail, par exemple il y a un atelier de taille de pierre, donc que l'on peut restaurer chez soi en faisant travailler des artisans qui travaillent la pierre, le verre, d'autres domaines. En fait c'est tout un pan, je dirais, de l'activité économique que l'on souhaite valoriser, et à travers donc justement ces artisans, producteurs locaux, et faire connaître ce qui existe dans les différentes communes du territoire, donc dans ce sens-là. Voilà, donc ces Journées des Savoir-Faire, c'est les 14 et 15 octobre. On retrouve bien sûr tout le programme sur le site tourisme.bassinpompey.fr. Denis Bergerot, je vous remercie. Je vous remercie également. On souhaite bien sûr que ce soit une belle réussite, puisque c'est la première édition que nous organisons. Et je pense que les habitants qui sont très intéressés aussi bien par des producteurs locaux que par les artisans d'art, eh bien, visiteront bien sûr tous ces ateliers et qu'il y aura des suites, je l'espère, notamment à travers des commandes, que ça redonne l'envie à des personnes de restaurer certaines choses chez eux, comme les ébénistes, tapissiers, taille de pierre, faire découvrir ces métiers qui reviennent et qui se réinstallent de plus en plus dans les communes. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.